Enfant, j'ai rêvé d'un papa riche ou célèbre. Enfant, je croyais qu'on irait vivre au soleil. Papa en roi d'Autriche ou en star de cinéma. Pourquoi pas partir sur une île ou sur l'Himalaya? Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Enfant, j'ai rêvé d'un papa Indiana Jones. Enfant, je croyais chercher des trésors chez les Amazones. Papa coupant des lianes jusqu'en haut des pyramides. Pourquoi pas parler aux Aztèques, Incas et aux Atlantides? Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh. Malheureusement aujourd'hui j'ai grandi. Ma soif de découvrir est partie avec lui. Malheureusement aujourd'hui j'ai appris qu'un père on n'en a qu'un et le mien a détruit sa vie. Enfant, j'ai balayé les mers en pirate. Enfant, j'ai parcouru le ciel en copilote. Mon père super héros comme dans toutes les BD. Mon père cowboy comme dans les westerns à la télé. Oh oh, oh oh. J'étais policier, lui voleur. Enfant, je me suis vu combattre face à l'empereur. Mon père prenant les rênes des royaumes imaginaires. Mon père entrant dans l'arène, vainquant les légionnaires. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Malheureusement aujourd'hui j'ai grandi. Ma soif de découvrir il me l'a volé, s'en est empli. Malheureusement aujourd'hui j'ai appris qu'un père on n'en a qu'un et qu'un verre de trop me l'a pris. Enfin rien n'est arrivé de ce que j'ai rêvé étant petit. Rien ne s'est passé comme il me l'avait promis. Mon père noie maintenant mes rêves dans sa mer à boire. Mon père est bien un père mais il ne cherche plus à croire. Enfant, j'ai rêvé d'un papa riche ou célèbre. Enfant, je croyais qu'on se lève. Enfant, je croyais qu'on se lève. Enfant, je croyais qu'on se lève. Enfant, je croyais qu'on se lève.